souvent on a des frères et nos sœurs des salafis qui nous disent l'essentiel en islam c'est le tawhid. Et là ils ont parfaitement raison. Ils nous rappellent des choses qui sont tout à fait vraies. On peut ne pas être d'accord sur un certain point de la méthodologie, mais quand ils disent tout commence par la bonne compréhension du tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu et de notre relation avec Dieu, ils ont parfaitement raison. C'est bien par là qu'il faut commencer. Et alors, quand Allah, nous parlant de Ibrahim alayhi salam, d'Abraham, il répète par deux fois, Hanifa wa lam yakum min al-mushrikin. Attention, c'est un témoignage, et nous sommes ici pour témoigner qu'il y a un être unique pour lequel on fait don de soi, et par rapport auquel on maîtrise notre vie intérieure, par rapport auquel on refuse et on résiste au polythéisme, et pour lequel on enseigne ce que l'on a d'essentiel en nous.